Jouer avec toi c'est un délit, délit. J'te mange du regard, j'ai bon appétit, petit. Tu me prends la tête, j'ai pas encore dit je t'aime. Encore à corps, y'a plus de petit, petit. On pourra se voir quand j'ai du temps. À l'abri du regard des gens. On s'arrête là même si je t'apprécie, apprécie. J'te le dis, baby, j'en ai déjà une près de moi. Arrive à la cheville, elle s'énerve, faudrait que je calme mon sevis. Elle me demande c'est quoi toutes ces notifs. Bizarre tous ces appels après minuit. Je retombe dans ses griffes, c'était juste ma side chick. Insiste les nudes en petite tenue. J'ai voulu jouer mais j'ai vu flou. Elle veut prendre mon cœur et mon âme dans la pièce. Quand la roue tourne, ça fait plus mal qu'une balle dans la tête. Crois-moi c'est pire qu'un poison la selle. J'hésite et elle me demande de choisir entre elles. Elle veut jouer, baby. Elle veut jouer, yeah, yeah. J'vais tout donner, yeah, yeah. Tu me connais, j'vais tout donner. Elle veut jouer, baby. Elle veut jouer, yeah, yeah. J'vais tout donner, yeah, yeah. Tu me connais, j'vais tout donner. T'as du braille, c'est moi. Je sais que t'es occupé en ce moment, mais c'est juste pour te dire que je pense fort à toi. Tu me manques. Elle veut jouer, baby.